réglez votre montre. Au quatrième top, il sera exactement... Ouais. Trop tard. Le rage est scintillement. Alex, sur votre radio. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? C'est bizarre. Dis donc, machin là. T'es en train de faire quoi exactement? Je cale la musique. Ah oui, d'accord. C'est bien la musique du générique que tu cales. Ah oui, c'est... Mais ça... D'accord. Et tu veux lancer ça vers quelle heure? Bah quand tu me le dis, pourquoi? Mais parce que c'est maintenant. Tous, tout le monde et surtout tout le monde et à toutes, car je sais, je suppose, je pense, j'imagine que vous êtes masculin et féminin, voire même les deux, ou peut-être même les deux, à m'écouter. Bonjour à tous, c'est Tonton Alex, qu'on appelle vulgairement Talex, mais le vulgairement il adore, et c'est Pleurage et Scintillement, la nouvelle émission rock déglinguée de la bande web. Alors on me dit de ne pas faire de bruit quand je cause, parce qu'il paraît que je tape un peu dans la table comme ça, en faisant des bruits avec mes stylos qui tombent, tu vois, et puis aussi en lançant mes chaussures donc contre les carreaux, ou bien en faisant péter des pétards. Enfin non, je déconne, je fais pas tout ça, mais alors quoi, ça fait du bruit. Et alors, le bruit c'est la vie, le bruit c'est vivant. Tiens, ça me rappelle une anecdote totalement insignifiante, mais je ne résiste pas au plaisir de vous la raconter quand même. C'est qu'en 89, alors rappel de l'émission précédente pour ceux qui n'étaient pas là, nom de Zeus, en 89 c'est l'époque épique et opaque que rien du tout. Je cherche mes mots, attendez deux secondes. Ouais, ça je l'ai déjà dit. Si tu peux reculer ça, attends, parce que ça c'était nul à chier ça. Si jamais tu reculais le passage où je. Voilà. Et je vais reprendre. En 89 c'est l'époque épique et opaque. Ouais, ça c'est pas bien. Voilà. Voilà, voilà, donc je disais en 89, c'était l'époque épique et opaque où je faisais de la radio FM. Et donc depuis 89, eh bien, les bruits parasites se sont améliorés. Voilà. Alors il y en a un que je voulais absolument vous faire écouter. Attendez deux secondes, je tousse. Pardon. Voilà, tout est en direct, hein, on ne s'arrête jamais dans Pleurage et Scintillement. Les nouveaux bruits parasites, ceux de l'époque actuelle maintenant, qui est aussi épique, opaque, etc. En 2007, là maintenant, ce sont des bruits assez énervants, je dois l'avouer, qu'on entend de temps en temps en radio, parce que l'invité a oublié d'éteindre son insupportable. Voilà. Alors ça, c'est des bruits modernes. Quand vous entendez ça dans un film, dans une émission de télé, radio, ou n'importe où, c'est que le gars a oublié d'éteindre son portable. Voilà. Alors tiens, je vais mettre les haut-parleurs pour entendre ce qu'elle nous dit. Pour vos options, faites le 2. Voilà. Ben, pour vos options, faites le 2. J'aime bien faire la basse avec ma narine gauche. La narine gauche appliquée sur le micro, c'est... Tu vois, c'est génial. Ça, c'est le générique de l'émission. J'ai peut-être oublié de le dire dans la précédente émission. Non, je l'ai dit. On me fait signe que oui dans l'oreillette. Je suis comme Jean-Luc Delarue, j'ai une oreillette. En fait, j'ai carrément le casque sur les oreilles, mais c'est très, très gros par rapport à une oreillette. Le générique, c'est Billy Idol avec Flesh for Fantasy. Ça, c'est une version mix, machin, dub, je sais plus quoi. C'est trop compliqué à dire. Et j'adore Billy Idol, donc voilà, c'est tout. Ça ne s'explique pas, j'ai rien à dire en fait. Je suis pas obligé de m'expliquer à chaque fois que je dis quelque chose. C'est quand même un truc. Oh bah, au départ, c'est banal. Ça fait bien 5 minutes que je t'explique quand même. Alors je t'explique le truc, c'est vite fait, c'est vite fait, c'est vite fait, c'est vite fait. C'est comme ça qu'on coupe un générique. We'll be right back. batterie, quelle gratte, quelle guitare, quelle voix de chanteur et quel groupe, c'était Van Halen. À l'époque où Van Halen faisait vraiment de la chanson, la vraie. Oui, on peut dire chanson quand c'est un groupe de hard rock aussi, hein, on peut. Pourquoi dire toujours c'est de la musique ? Un groupe de hard rock, c'est aussi de la chanson. Vous êtes toujours dans Pleurage et Scintillement ? On n'est pas sorti de l'auberge. Ah ben, ça fait plaisir, merci. Tes commentaires, tu te les gardes. On écoute Atomic Playboy de Steve Stevens de son album Atomic Playboy. We'll be right back. Et ben voilà, il a tout fait péter. Voilà ce que c'est que de jouer de la guitare électrique un peu trop saturée, un peu trop fort, un peu trop hard, un peu trop graisseux même. C'était Steve Stevens de l'album Atomic Playboy, le guitariste de Billy Idol. The Precious Band. C'était passé dans la première émission, souvenez-vous. Sauf que là, c'est le titre numéro 2 de leur album. The week was a long and tough. Under the rain, against the wind, have worked. Maybe one day I'll find a new job to get myself out of the dirt. Friday night and I feel so tired. I'd better go outside and find a girl. People say it's no money, no honey. I guess it's true, I guess they are right. Tell you there's nothing I can do. Can't do anything, anything. I need a chance to show you I'm not just this simple man you see. Simple man you see. Guy you see. boy lives in a quiet vibration land. Strange as it seems, his musical dreams ain't quite so bad. C'est les Who, W-H-O, The Who, comme on dit en français. Les Who avec l'album Tommy et Amazing Journey, qu'on pourrait traduire par Amazing Journey. Ne me demandez pas de traduire le titre du nom du groupe, etc., des paroles, parce que là, ce qui vient est pas vraiment anglais, ni espagnol, et vous savez que j'ai beaucoup de mal avec ces deux langues, alors avec celle-ci, c'est encore pire. Moscow, fremd und geheimnisvoll. Türme aus rotem Gold, kalt wie das Eis, Moskau. Doch wer dich wirklich kennt, der weiß, ein Feuer brennt in dir so heiß. Kosaken, hey, hey, hey, leer die Gläser. Natascha, ha, ha, ha, du bist schön. Tavarisch, hey, hey, hey, auf das Leben. Auf dein Wohl, Bruder, hey, Bruder, ho! Moskau, Moskau, wirf die Gläser an die Wand. Und Russland ist ein schönes Land. Ho, ho, ho, ho, ho. Hey, Moskau, Moskau, deine Seele ist so groß. Nachts, da ist der Teufel los. Ha, ha, ha, ha, ha. Hey, Moskau, Moskau, Liebe schmeckt wie Kaviar. Mädchen sind zum Küssen da. Ho, ho, ho, ho, ho. Hey, Moskau, Moskau, komm, wir tanzen auf den Tisch, bis der Tisch zusammenbricht. Ha, ha, ha, ha, ha. Tor zur Vergangenheit, Spiegel der Sorgezeit, kalt wie der Krieg, Moskau. Wer deine Seele kennt, der weiß, die Liebe brennt heiß wie die Glut. Kosaken, hey, hey, hey, leer die Gläser. Natascha, ha, ha, ha, du bist schön. So war ich, hey, hey, hey, auf die Liebe. Auf dein Wohl, Mädchen, hey, Mädchen, ho! Moskau, Moskau, wirf die Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes Land. Ho, ho, ho, ho, ho. Hey, Moskau, Moskau, deine Seele ist so groß. Nachts heißt der Teufel los. Ha, ha, ha, ha, ha. Encore que je chante faux. Mais vous êtes agréable avec moi, mais c'est pas possible. Mais vous êtes à la... vous allez arrêter quand même. C'est moi l'animateur. Un peu de respect. Quelle bande de ravagés. Mais ils sont vraiment ravagés. Ils sont cinglés, mais ils sont dingues. Mais non, je parle pas de vous qui m'écoutez là. Je parle d'eux, le groupe Cheap Trick. Ils sont vraiment ravagés. Mais alors, on les aime. C'est comme ça. Money rules, and everybody's still. C'était Cheap Trick avec Hello Kiddies. Et maintenant Nazareth Crazy avec une version maxi bass remix que j'ai faite moi-même, elle n'existe pas dans le commerce. La version vous plaît-elle ou ne vous-t-elle pas, hein? Ben si, quand même, je me suis quand même un petit peu fait hein, pour la fabriquer moi-même chez moi tout seul, tranquille, etc. etc. C'était Nazareth Crazy, utilisé dans la bande son originale, comme on dit, la bof, du dessin animé Heavy Metal. Voilà, je ne l'ai jamais vu, ce dessin animé d'ailleurs, il doit être pas mal, je sais pas, enfin bon, bref. Tiens, ça me donne une idée, on va peut-être faire un peu de karaoké, ça vous dit ? C'est Mika. Mika Raoké. Je chante pas vraiment, je fredonne sous la douche. Je connais pas les paroles, alors on va l'écouter pour de vrai. C'est Mika. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. Tried a little Freddy. I've got an entity mind. I could be brown, I could be blue, I could be violet, I could be hyper. him. C'était Mika en vrai et non pas Mika Raoke comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une invention de moi hein, donc vous en faites pas si c'est nul, c'est normal, je suis abonné aux blagues nulles, en fait j'essaye de tout faire pour travailler dans rire et chansons. Voilà, et puis même des fois on se demande même qu'est-ce que je fais là, c'est vrai. Donc Mika qui nous chantait Grace Kelly avec un vibrant hommage à Freddie Mercury, je me demande même des fois si je suis pas un peu comme un homme invisible hein. Invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. I'm the invisible man, incredible. don't you just tell Cincinnati I'm gonna need your love. Don't you give me your love. Don't you give me your Simone, Simone. Where is your love? Don't you give me your love. Don't you give me your Simone, Simone. Sur votre radio, je suis dans votre radio. Ce jingle, c'est mal fait, il est débile, il est... C'est comme l'émission d'ailleurs, Pleurage et Sentiments, c'est n'importe quoi. Le nom, déjà rien que le nom. Et l'animateur, Alex, ça vient d'où? C'est russe, c'est quoi? C'est... Mais non, c'est tonton Alex, d'accord, c'est un raccourci, mais... Oh, mais quelle souffrance, mais quelle souffrance. Alors on a entendu Judas Priest, Judas Priest, et puis Scissor Sisters, Laura, qui était juste avant mon intervention. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday time. Get up for all of the nursery rhymes that never really seem to want to tell the truth. I'm so tired of you, America, making my own way home. Ain't gonna be alone. I got a lot. Tell me, do you really think you go to hell for? is Christ in blood. I'm so tired of America. I really need to know. I may just never see you again, or might as well. You took advantage of a world that loved you well. I'm going to a town that has already been down. I'm so tired of you, America. Making my own way home. Ain't gonna be alone. I got a life to live, America. I got a life. Rufus Wainwright, avec une façon de chanter assez particulière et assez unique, je trouve, pas vous ? Hein ? Ah, ben voilà, on est d'accord, pour une fois, je vais immortaliser ce moment. On va écouter quelque chose qui ressemble à du Led Zepp. Ça a la couleur de Led Zepp, en fait, ça a le son, la sonorité de Led Zepp, le chanteur a même carrément la voix de Led Zepp, il se paye ce luxe, mais en fait, si tout ça ressemble à du Led Zepp, ce n'est pas du Led Zepp. Il s'agit d'un groupe des années 80, Kingdom Come. We'll be right back. boys are pushing hard and playing out the best. Juste avant, c'était Kingdom Come avec Get It On. Je vous avais dit que ça ressemblait à du Led Zeppelin, hein. Ah oui, c'en est pas, voilà. Et là, c'est Ted Nugent, le chasseur d'ours en Australie, avec un son totalement pourri et déjanté, avec Flesh and Blood. Ça me rappelle un peu Zegut sur RTL, mais enfin bon, c'est vieux, oh là là là là, ce que c'est vieux. Là, je remonte carrément, mais à très très loin, tu sais, personne n'était né avec moi qui écoutait la radio. We'll be right back. Groupe Vandenberg, ce hard rock FM, toujours des années 80, hein, beaucoup de trucs des années 80, 70 ou 60, dès que je peux, ça vous en doutez, parce qu'en 90, on ne se souviendra jamais de ce qu'il y a eu comme musique, et puis en 2000, ben encore moins. C'était Vandenberg avec Heading for a Storm de l'album éponyme. C'est comme ça hein, qu'ils disent les vrais animateurs radio. Moi je dis jamais ça. Je dis c'était le. Voilà, c'est Heading for a Storm, et puis le titre de l'album c'est pareil. Voilà. C'est beaucoup plus clair. Quand on est pauvre d'esprit, on fait avec ce qu'on peut. I'm not afraid to die. Avec la modestie qui me caractérise, si je ne les passais pas à la radio, je me demande qui les passerait. Rhinocéros. C'est bizarre hein, comme truc. C'est très sonorité AC/DC. Je pense qu'ils l'ont fait exprès juste pour ce titre, parce que le reste n'est pas du tout comme ça, c'est plutôt très techno. Rhinocéros à l'instant avec Beach. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Beach, ça veut dire la plage, voyons. Pour une fois que je connais l'anglais. Hey, hey, there's this cat down there that makes a bad kind of soup. I come around studying my luck to my shoot coop. Cecil gives me coffee and he will never take my coin. I say, got $30 in my pocket. What you doing? I holler, come on, Cecil, take a dollar. Come on, Cecil, take a 10. But I finally get up into a whole bunch of big ones and you're acting like I'm dancing again. And I'm only on the riders on the boulevard. They got the barefoot cruise and it's 40 weight hard. They look particularly deadbeats, permanently pale. Cecil pick up his butcher knife and he waves it at the jail. And the kid say, I ain't got no dough, so I just want some OJ. I said, don't look at me. Quarter in a pinball machine, and he said, come on, Cecil, give me a dollar. Come on, Cecil, give me five. I'm in a halfway house on one way street. Ooh, and I'm a quarter past living down. Your hair turns gray. Sister's in a mustard. She loves to walk the puppy. Like pickles in the relish. She never gets enough. Hershey milkshake steaming on a stick. With a heartland sandwich. Oh, let us get thick. It's not because I'm dirty. It's not because I'm clean. It's not because I kiss the boys behind the magazines. Hey, boys, how about the fight? Here comes Ricky with a girl on tape. She don't know your name. She knows what you got from your matchy ball to the chicken in the pot. Chicken in the pot. Chicken in the pot. Chicken down downstairs and in the top-star joint. Got a jukebox that goes toy, toy. Ricky Lee Jones, c'est bien gentil tout ça, hein. Ça nous change un peu de tout ce hard rock un peu très... voilà. Ben oui, mais je suis éclectique, je vous l'ai dit. Je suis capable d'enchaîner Sheila avec Marilyn Manson. D'ailleurs, personne ne l'a jamais fait. Si, si, je vous le jure, personne au monde, à l'heure actuelle où je vous parle en ce moment, là, tout de suite maintenant, il est 14h40 à l'heure où j'enregistre cette émission dans les conditions du direct, eh bien, personne ne l'a jamais fait. Et c'est tant mieux comme ça. Rose Tattoo. Don't turn the other cheek unless you want to beat an end. Fight violence with Eh ben, ça décoiffe. Hein. C'était Rose Tattoo. Rose Tattoo, vous devez connaître le chanteur. C'est un petit chauve avec plein de tatouages partout. Il a joué dans un des trois épisodes. Je cherche le nom du film. Avec Tina Turner, là. Tu sais, le Dôme du Tonnerre. Mad Max, voilà. Merci de me l'avoir pas signalé. C'était Mad Max. Enfin bon, pas le chanteur, hein, le film. Voilà, le chanteur, c'était le groupe, c'était Rose Tattoo. Je m'emmène un peu les pinceaux. C'est normal parce que cette chanson-là me fait un effet bizarre. The love that you gave me. Has gone with the rain. The joy that just filled me has turned into pain. My face in the mirror. Reminds me of you. It's the one that you lied to. When you said you'd be true. Et maintenant, c'était le groupe Ten Years After en 1969. Et je l'avais en 33 tours, ce disque, pour de vrai, hein, Stonehenge, là, avec des pierres, comment on appelle ça, des trucs de druides, là, des monolithes, là, des machins, oh, je sais plus, oh. C'est chiant aussi, vous me disiez toujours de dire des trucs que je sais pas. C'est bien que je suis bête, moi. Je suis pas fait pour faire de la radio. J'ai déjà dit ça, je voulais pas. Moi, je voulais être plâtrier, peintre. Un truc créatif, voilà. Billy Idol, White Wedding. Hey, little sister, what have you done? Hey, little sister, who's the only one? Sister, who's your Superman? Hey, little sister, who's the one you want? Hey, little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Sister, who is it you're with? Hey, little sister. sister, what's your vice wish? Hey little sister, shotgun, oh yeah. Hey little sister, who's your Superman? Hey little sister, shotgun, it's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Ow! Si j'aime pas couper un disque, surtout celui-là, enfin... Une fois que je mets Billy Idol, c'est la fin de l'émission. Et voilà, j'étais content, j'étais presque content de d'être content non plus. Bon ben voilà, c'est la fin de l'émission, c'était Pleurage et Sentiments, c'est Alex, qu'on me dit que j'ai pas le temps, je peux parler vite si je veux. Hein, y a pas qu'Antoine Decaune qui cause vite, moi aussi si je veux, tu paries? Allez hop, top là, voilà. Je vais parler vite. Voilà. C'était Tonton Alex avec vous, Pleurage et Sentiments, l'émission rock déglinguée sur la bande Wave, non pas la bande FM. Émission rock qui dure à peu près 1h30. Des fois c'est 1h29 et 59 secondes, puis des fois c'est 1h30 et 59 secondes. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de tout. Vous avez entendu plein de choses, j'espère que je vous en ai fait découvrir quelques-unes que vous ne connaissiez pas ou que vous aviez oublié. Voilà, merci d'avoir été avec moi pendant toute cette émission. Je sais plus quoi dire en fait, j'aime pas parler vite. C'est pas mon truc ça non plus. Je me stresse, moi j'aime pas être stressé comme ça. Allez, non mais sans rire, parce que là c'est vraiment le bordel, mais c'est normal, c'est Tonton Alex, hein, c'est comme ça, Pleurage et Sentiments avec vous, dans votre radio, et puis je vous donne rendez-vous à une autre fois, on peut pas être plus clair, voilà, ça dépend hein, des circonstances informatiques et tout, alors bye bye.